accident s'il tombé, nous pas ni qu'à voyager. À dans direction, commandé mon pile façon. Confidence et puis confiance, ouvert ciel, ouvert soleil dans cœur. J'ai tout mauvais temps, qui trop pressentiment. Laissez-le aller.